J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Comics Discovery. Donc nouvelle saison, on a pris des petites vacances et on revient plus frais, plus dispo avec des nouvelles. Il y a des gens qui font des signes, c'est pas sûr, mais vous allez voir, ça va être génial. Des nouvelles rubriques, des nouvelles personnes autour de la table et voilà. On va commencer avec les vieux, Bonjour, voilà. Bonjour, vous êtes un petit nouveau, vous appelez Mathieu, c'est ça? Oui, c'est ça. Mathieu Romain. Ouais, Mathieu, ah oui, Mathieu Romain, c'est vrai, on est deux. Bon, bah salut à tous, content de recommencer la saison. Est-ce que tu as passé des bonnes ce mois de vacances tu as Alors moi, étant vieux, c'est pas des mois de vacances. Là, j'en ai pris deux semaines comme tout le monde, puis on est retourné bosser comme un crétin, mais bon, ça se passe bien, nickel. Ok. Toujours en face de moi et toujours avec son yo habituel. Salut Juni. Pour la saison 2, tu trouves une nouveauté pour la saison 2. Une nouvelle catchphrase. Vas-y. On est bien là ou pas d'ailleurs? Tu es un peu bas peut-être. Non, je ne sais pas. Parle bien dans ton micro. Je crois que c'est le casque qui pète des câbles, c'est pas grave. Ah, ça y est. C'est bon. Et salut Juni, t'as passé des bonnes vacances? J'ai pas eu de vacances moi. Ouais, t'as passé des vacances de radio? Ouais, ça va, c'était cool. Ok. Et quelqu'un d'autre avec nous, un petit nouveau, c'est Jordan. Salut Jordan. Salut, je suis pas si petit que ça, mais c'est gentil. Et ça va? Bah oui, ça va très bien. Et pour les gens qui n'auraient pas reconnu à sa voix, est-ce que les gens te reconnaîtront à ta voix? Je ne sais pas. C'est un vendeur d'une boutique très connue sur Montpellier. Très connue, je ne sais pas si jusque-là. Un peu connu. Ouais, je suis libraire à la librairie Azimut. Voilà. Donc voilà, quelqu'un. Il nous donne un peu plus de crédibilité dans le game. Ah, il y avait besoin, ouais. Il y avait besoin? Ah, oh, bah toujours, oui. Okay. Moi, il sait de quoi il parle. Hein. Ouais, j'adore Tom Cabanella. Super. On va pas le garder, lui. On va commencer tout de suite avec les news. Ça y est, la Corée du Nord a tiré ses missiles sur... Non, ce n'est pas ça. Ce générique est toujours aussi génial. Donc, on va commencer avec les énièmes. On a un mois de news à rattraper. On va pas tout vous faire d'un coup. On va commencer avec le ciné. On va vous parler des news Warner. Il y a eu pas mal de news, donc j'en ai gardé trois. Trois news Warner, attention. Oui, c'est mes news à moi, il n'y a que moi qui vais parler. Alors, la première news que j'ai, c'est qu'il y a eu des rumeurs assez... qui m'ont fait beaucoup stresser sur le fait que le film Batman de Matt Reeves, qui a fait un superbe film qui est sorti pendant ce mois d'août, qui était... Valérian. Non, c'est un autre film. War of the Planet of the Apes. Allez le voir parce qu'il est vraiment... S'il est encore à l'affiche, allez le voir parce qu'il est vraiment cool. Et son Batman, donc le Batman du réalisateur de ce film... selon certaines rumeurs, ne devait être pas dans le DCU et donc en dehors de la continuité des autres films, ce que je trouvais assez dommage en fait. Enfin, je sais pas, tu fais un univers partagé, tu vas jusqu'au bout quoi. Et en fait, ça a été démenti juste après par le dit réalisateur sur Twitter qui dit que les gens avaient mal compris et qu'en fait, ce serait comme un peu comme Wonder Woman, qui avait, enfin, on voyait un petit lien au début du film et après, il n'y avait pas tant de liens que ça avec le reste de l'univers. Donc, ce serait un film un peu standalone avec aucun caméo et pas de piste pour les futurs films. Moi, je trouve ça plutôt cool, un film Batman, un vrai bon film Batman tout seul dans son coin, pourquoi pas quoi. Ça en fera un, c'est déjà bien. Ok, bon, je me fais troller dès le début, c'est parfait. Mathieu, rien? Non, ils vont me perdre, Warner, à force. Hein. Ça commence à être compliqué à suivre, mais il faut reconnaître leur univers partagé. T'énerve pas, reste assis. Pour l'instant, c'est quand même pas extraordinaire. Mais non, BVS, c'est génial. Et puis, voilà, c'est bon, ça va recommencer comme l'année dernière. Non, mais c'est immuable. BVS sera toujours génial. Ouais, bah alors, du coup, qu'est-ce qu'on disait? Oui, Star. Non, pas Star Wars. Non, mais oui, pourquoi pas Batman, ça se prête bien à un film standalone, à un film d'ambiance. Du coup, c'est qui joue Batman? On sait plus. Ah, c'est... apparemment, y a le frère de Ben Affleck, Casey Affleck, avait annoncé dans un podcast, je crois, que son frère ne reviendrait pas pour le film de Matrix. Et en fait, c'était des conneries. Voilà, je ne sais pas. Oui, ils l'ont pas viré finalement. Et lui, il est pas parti non plus. Il s'est accroché au bureau, il veut pas sortir. Mais moi, je l'aime bien. Je trouve que pour moi, c'est vraiment le meilleur Batman. Après si on met de côté Kevin Conroy, mais pour moi c'est le meilleur Batman. Oui, c'est un bon Batman, ça je peux le reconnaître, c'est une des rares qualités de BVS. Ok, tu vas pas faire long feu toi. Donc on va passer à une autre news, et c'est une news qui fait un peu plus peur. C'est un film standalone sur le Joker, et ça pourrait faire un peu peur parce qu'après a priori c'est plus un film sur les origines du Joker, et pour un personnage dont l'intérêt de tout personnage pour moi c'est quand même toute son aura de mystère qui est autour de lui. Je trouve ça un peu dommage de vouloir révéler ça, donc. Mais par contre, le truc qui est un peu hypant, c'est les personnes derrière à la production, puisque, enfin, la personne en tout cas, c'est Martin Scorsese qui sera à la production de ce projet, et c'est un peu cool, je trouve. Et pour les gens qui n'aiment pas Jared Leto, je sais que vous êtes beaucoup, et j'en fais partie, enfin, qui n'aiment pas Jared Leto dans le rôle du Joker en tout cas, ne fuyez pas parce que Warner pressentirait un autre acteur, et peut-être un acteur fétiche du réalisateur new-yorkais, Leonardo DiCaprio. Donc, Leonardo DiCaprio. En Joker, est-ce que ça vous parle un tout petit peu ou pas du tout? Bah, pareil, on sait plus ce qu'ils veulent faire maintenant. Alors, non, mais je sais même plus. Qu'est-ce qu'on lui répond? Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qu'il y aura Ben Affleck dans le film. Donc voilà, en caméo. C'est la seule formation. Tu sais, si possible, gros dans une allée qui bouge pas comme ça là pendant. Mais c'est censé se passer dans les années 80. Du coup, il aurait quel âge? Ah, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un nouveau Joker et un nouveau Batman en jeune. Ouais, d'accord. Non, mais de toute façon, je ne les crois plus. C'est comme cette histoire de Leonardo DiCaprio, c'est même pas confirmé. C'est des rumeurs, ça, c'est des grosses rumeurs. Scorsese, l'histoire comme quoi il rejoindrait le film, apparemment, même ça, il n'a pas dit oui non plus. C'est juste un espèce de genre, on aimerait bien qu'il vienne et il dirait potentiellement oui. Enfin, c'est en équilibre sur une table qui a l'air de s'écrouler relativement vite, donc bon, je ne sais pas en fait. Ouais, oui, mais est-ce que l'hypothétique idée te hype un tout petit peu? Non. Ah ouais, Scorsese sur du Batman. Ben, si c'était un autre studio avec un meilleur avec de meilleurs films derrière, je dis pas. Mais là, comme ça, ben, c'est ce que je dis souvent quand on voit un concept, c'est le concept en lui-même bof. Moi, j'ai besoin de voir des images, j'ai besoin de voir un peu tu m'étonnes. Du rendu avant de pouvoir dire oui, ça me paraît bien ou pas. Après, Scorsese c'est un très bon réalisateur, donc effectivement, ça pourrait être cool. Le problème, c'est que le studio derrière. Souvent tendance à demander des trucs un peu stupides. Oui, la vraie question, ça va être est-ce qu'on va se taper encore Snyder et Charles Roven et tous les mêmes qui nous ont fait BVS et tout ça, parce que si c'est pour avoir un port encore tout ça et cette même ambiance, ça va pas apporter plus. Mais j'ai l'impression que c'est un peu dans le même délire que Matt Reeves. Je crois que Matt Reeves, il est tout seul à la barre, il gère tout seul son Batman et il fait un peu ce qu'il veut. Et je pense que s'il file le truc à Scorsese, Scorsese il va pas dire bon bah je suis un yes man, je vais dire oui à tout ce que les producteurs me disent, il va faire son truc dans son coin quoi. Ouais, enfin il va dire oui au début, mais si tu regardes BVS, tu regardes tout, il y a toujours eu des reshots parce que Warner a décidé de changer le truc. Après les reshots, c'est un truc habituel au cinéma, quoi. Il y a toujours des reshots. Ouais, ça peut dénaturer l'œuvre. Si on te dit c'est tourné par Scorsese, mais qu'en réalité ils ont appelé un autre réalisateur pour faire 30 minutes de reshots et qu'ils ont changé tout le film. Moi, il y aura toujours Scorsese sur l'affiche, hein, mais ça sera pas un Scorsese. Bon, après, il y a moyen de faire un bon film d'origine du Joker, ça dépend comment tu le fais. Le côté mystérieux, par exemple, tu peux très bien faire un film ultra psychologique où, au bout d'un moment, tu sais plus très bien qui tu suis et qui est vraiment le personnage principal, que tu peux jouer justement sur le fait que lui-même il sait plus très bien qui il est. Enfin, il y a plein de moyens intéressants de tabler un personnage comme ça. Ça pourrait être fait en BD, ça pourrait être fait en film après. Après, moi, quand même, globalement, c'est ce qui me hype un peu. Doucement là dans ce qui se dessine, c'est qu'effectivement à la base le Batman devait vraiment être intégré dans l'univers partagé. Là on t'explique que bon déjà il y a pas de fumée sans feu. S'ils te disent à un moment donné qu'il y est plus et qu'il revient, t'as un truc standalone. Effectivement, si concrètement s'ils finissent doucement par laisser tomber leur idée d'univers partagé qui est pas top et qui se concentre sur des projets un peu plus, une production un peu plus différente avec un peu plus d'identité sur tel perso, ça peut être pas mal, parce que là pour l'instant bon à part quelques rares aficionados d'os, c'est quand même pas extraordinaire là, ce qu'ils font. Pourquoi pas, mais il faudrait qu'ils changent complètement leur fusil d'épaule en plein milieu, c'est compliqué. On va rester sur le fusil d'épaule, pas du tout en fait. C'est pour les gens qui sont fans de Jared Leto et Margot Robbie. Je sais que vous êtes beaucoup autour de cette table. Levez les mains, à tout le monde lève la main, c'est super. Donc. Heureusement que c'est de la radio. Oui, voilà. Donc pour les gens qui seraient fans de Jared Leto et Margot Robbie, sachez qu'il y a un film en plus de Suicide Squad 2, parce que tout le monde attend Suicide Squad 2. Encore une fois, tout le monde lève la main autour de la table. Il va y avoir un film Joker et Harley Quinn avec les deux acteurs. Donc vraiment, on n'est que plus heureux, mais qui sera produit ou réalisé, je ne sais plus, par Glenn Ficarra et John Reka, à qui on doit la super série. C'est vraiment, je pense que c'est la série de l'année dernière qu'il fallait voir, c'était This Is Us. Franchement, pourquoi pas, parce que cette série est vraiment cool. Et le film Crazy Stupid Love que je n'ai pas vu, mais qui, le titre va très très bien au couple, je trouve. On sait plus, là. Qu'est-ce qu'on y répond ? Je sais pas. Je réponds qu'il y a un film Batman qui est potentiellement pas dans l'univers, il y a deux films Joker avec deux acteurs différents, il y aura deux films avec Harley Quinn dedans, plus le troisième avec Suicide Squad. Déjà, ensuite, il y a Batgirl aussi. Enfin, bon, déjà, ça fait déjà non, beaucoup Batgirl, de Batman. Non, Batgirl, c'est Gotham Siren, je crois. Oui, non, mais de... ça commence à faire beaucoup de Batman et ça commence à faire beaucoup de films avec des acteurs et des personnages un peu éparpillés partout. Et leur univers, il a toujours pas de base. On dirait Secret Wars, au fait. Ouais. On n'arrive pas à l'expliquer, il y a des trucs qui arrivent, on fait bon. En fait, c'est Hickman qui écrit tout depuis le début. Ah, mon dieu. Ah, putain, c'est génial, ça se trouve. J'avais une news avec Hickman, mais je l'ai pas noté. C'est pas grave, j'en parlerai peut-être la semaine prochaine. Les news, on comprend pas, en fait. On va passer à un autre truc, et ça va être le moment où Juni va râler, parce que c'est lui qui nous en avait parlé il y a quelques temps sur Facebook. Donc, il y a eu pas mal de news autour du film Hellboy, le reboot. Notamment pas mal de news autour du casting, parce qu'il y a Ian McShane qui a rejoint le casting, Mila Jovovich, et on a vu une news comme quoi Ed, bon, je sais absolument pas comment prononcer ce nom, Ed Skrein. Donc, que vous connaissez peut-être si vous avez vu Deadpool, c'était le méchant, celui qui jouait Francis dans Deadpool. Donc, il y avait une news comme quoi il devait rejoindre le cast et jouer Ben Damio. Donc, j'ai pas lu beaucoup de Deadpool, donc de Hellboy, excusez-moi. Donc, je pourrais pas savoir. On est vraiment des spécialistes. Exactement. on a lu. Oui, eux, ils ont lu. Et donc, pour les gens qui ne savent pas, le personnage est d'origine asiatique. Et en fait, il a démissionné et il a déclaré plus tard sur Twitter. Alors, je vous lis ce qu'il a dit. J'ai accepté le rôle sans savoir que le personnage dans les comics possédait des origines asiatiques. Il y a eu des conversations intenses et compréhensibles depuis cette annonce. Je me dois de faire ce que je pense être juste. J'espère que ce genre de conversation devienne moins nécessaire un jour et nous pouvons aider à ce que la représentation dans le milieu des arts soit plus équitable. Je suis triste de quitter Hellboy, mais si cette décision peut aider que l'on se rapproche de ce jour, cela vaut la peine et j'espère que ce fera la différence. Et donc voilà, c'était pour ne pas participer au white shaming, donc de prendre un personnage qui est censé whitewashing, excusez-moi, oui je dis n'importe quoi, c'est la première, hein, on va me pardonner, donc le whitewashing, donc prendre un personnage d'origine différente que quelqu'un d'européen et le mettre par un blanc, et donc voilà. Et je sais que ça t'avait fait râler, je suis en train de... Tu me laisses galérer. Allez. Quand même, vas-y. Oui, j'aime bien, c'est drôle. Non, mais comment dire, j'y ai repensé un peu, histoire d'organiser un peu ça. Et souvent, les arguments que j'entends par rapport aux gens qui trouvent que ce genre de complainte est injustifié, les deux gros arguments, c'est ce qui compte, c'est l'acteur. Après tout, peu importe l'origine, machin truc, s'il le joue bien, c'est pas grave. Et le deuxième, c'est que faire l'inverse, c'est-à-dire prendre un personnage blanc et le remplacer par un acteur de couleur, c'est tout aussi raciste. Ce à quoi j'aurais envie de répondre, et du coup je me suis fait une petite liste, ne serait-ce que pour les États-Unis, parce qu'après t'as les autres pays, c'est encore autre chose. Si on prend ne serait-ce que le cas des Japonais, on a la Seconde Guerre mondiale, l'air de rien, on a deux cas comme les camps dans lesquels on les a mis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc déjà les États-Unis ont une certaine histoire en termes de maltraiter le peuple japonais, ou même le peuple chinois si on parle de la création des États-Unis. Ensuite, ne serait-ce que dans les films, il y a... Alors justement, j'y viens. Mais alors, tu pourrais commencer par Godzilla, qui est à la base un film japonais. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont importé le film aux États-Unis, ils ont incorporé un acteur blanc par-dessus, en virant des scènes de personnages principaux japonais. Et au final, c'est l'américain blanc qui sauve les Japonais. Et Jean Reno. Aussi. Bah du coup, ça c'est le remake. Pardon. Ça c'est le remake plus récent. Qui explique que c'est. Ah, tu parlais du oui. Non, moi je parle du film d'origine. Le tout premier. De 1950 quelque chose. Ah. Ouais, c'est ce que les Américains avaient fait. Ensuite, t'as les remakes purs et durs, genre 7 samouraïs qui est devenu les 7 mercenaires. Et là, bon, vu la période de laquelle c'était fait, avec que des blancs dans le film, mais les gars avaient des problèmes de ségrégation et tout, donc. Non, pareil. Pas dans les 7 mercenaires. Il y avait pas mal de. Enfin, c'est pas des asiatiques, mais c'est des Mexicains. Tu parles de quelle version? La celle que j'ai vue, celle avec Yul Brynner. De qui? Les 7 mercenaires. Avec Charles Bronson, Yul Brynner. Ouais. Ok, d'accord. Steve McQueen. Ensuite, tu as Diamant sur canapé avec le cliché. Je sais pas si quelqu'un l'a vu, c'est un film avec Audrey Burns, si je me suis pas trompé de titre. Dedans, tu as un Asiatique joué par un blanc, justement, avec les dents bien exagérées, l'accent japonais dégueulasse. Donc, je suis même plus sûr qu'il était japonais ou chinois. Mais disons que, pareil, en termes de prendre un acteur blanc pour jouer une minorité raciale, c'est. Il y a un truc pareil avec un Indien, ils en parlent dans la série de Aziz Ansari, je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y a Michel Leb aussi qui faisait ça. Ensuite tu as Iron Fist. Pour le coup, le personnage d'origine n'est pas blanc, n'est pas asiatique, mais par contre ils ont pris la culture asiatique. Et ensuite, pour résumer, on a Dragon Ball, on a Ghost in the Shell et on a Death Note, où au passage ils ont pris un manga, et le seul personnage japonais dans tout le film Death Note fait par Netflix, c'est le larbin d'un autre personnage. Et on arrive au dernier truc, et c'est l'élément le plus important finalement, c'est que quand on dit que ce qui compte c'est l'acteur, etc., le vrai problème c'est pas vraiment le changement de personnage, le vrai problème s'il est vraiment réel en fait, c'est que les acteurs asiatiques et de couleur en général Les Asiatiques comportent quoi ? Moins d'1% des acteurs représentés à Hollywood. Les Blancs représentent quelque chose comme 70%. Et quand t'as un Asiatique dans un film, on lui demande de faire un accent, on lui demande de jouer un vendeur de nouilles ou un gars qui fait du kung-fu. Ou d'être Jackie Chan. Aussi, alors justement, j'avais vu pas mal d'interviews de gens qui disaient c'est marrant, mais quand on nous dit ouais, je comprends pas pourquoi vous vous plaignez, il y a des acteurs asiatiques à Hollywood, regardez, il y a Jackie Chan et Jet Li, et voilà. Et généralement, la discussion se finit comme ça. Il y a l'actrice de Agents of S.H.I.E.L.D., Chloé Bennett, qui en réalité s'appelle Chloé Wang, parce que son nom d'origine est d'origine chinoise, et à Hollywood, ils lui ont dit tu dois changer de nom, sinon t'auras jamais de rôle. Nous-mêmes, on peut pas t'engager parce que tu t'appelles Wang. Ça sonne trop Shintok, vous voyez. C'est laquelle, le genre de film ? C'est la principale. Sky. Ah, ok. Voilà. Donc, en gros, le vrai problème, en fait, finalement, c'est que les États-Unis ou même l'Occident en général a une grosse tendance à vouloir la jouer. On va blanchiser absolument tout au maximum, y compris les gens qui sont censés venir d'ailleurs. Donc quand t'as un cas comme celui-là, où après, en plus, quelque chose comme 5 dernières années, à chaque fois qu'un film d'origine asiatique se fait aux États-Unis, ils trouvent le moyen de mettre un blanc ou une blanche à la place. Là, ça faisait particulièrement mal, et là, pour le coup, la plainte était particulièrement justifiée. Et j'espère que ça va pas faire comme les annonces... J'avais vu une annonce de casting, ce qui arrive assez souvent avec Flash. C'est que tu regardes le type d'acteur qu'ils cherchent, et ils ont des quotas, donc ils te demandent, alors ce personnage sera noir, ce personnage sera asiatique. Généralement, c'est les personnages de second rôle. Mmh. Ensuite, tu as les autres personnages, les personnages principaux, il y a marqué ethnicité ouverte. Autrement dit, ça pourrait être n'importe quoi, sauf que généralement, c'est toujours des blancs. Donc voilà, c'est toujours des modifications plus, comme ça. Où ce que tu avais l'air de dire, c'est que pour ce personnage-ci, donc Dame Daimyo, oui c'est ça. Daimyo, oui. C'est important, enfin son origine a une importance. Oui, il y a un côté culturel assez important pour ce perso. Mais disons que ça, c'est encore la partie fictionnelle, quoi. C'est la partie où quand tu vas en parler aux gens, ils vont te dire ouais, mais c'est un personnage fictif, on s'en fout de ses états d'âme. Mm-hmm. C'est pour ça que je parle surtout de l'aspect réel du truc, c'est-à-dire qu'est-ce que les acteurs vivent au jour le jour, qu'est-ce qu'on leur demande de faire comme taf. Et quand t'as une opportunité comme ça de jouer un personnage qui n'est pas un stéréotype, qui n'est pas un cliché. Là, pour le coup, il le file à un blanc, alors que t'as plein d'Asiatiques qui seraient super contents pour le faire. Ok. Eh ben merci pour cette diatribe. Et je pense que tout le monde autour de la table, même si on avait un peu débattu sur Facebook, est d'accord avec ce que dit Juni. Je mettrais un tout petit bémol sur Ghost in the Shell, parce que je trouvais que c'était un petit peu mieux tourné que ça en avait l'air. Le coup de faire une gamine asiatique qui se retrouve dans un corps d'apparence blanche, c'était quand même vachement hard. Tu l'avais vu le film ou... Ah ouais, justement. Parce que le fait. Alors moi, il y a deux. Bon, on va pas débattre sur ça, on n'a pas le temps. On aura après coup, ouais. Ouais. Donc, moi j'avais deux autres news, donc on va les passer vite fait. Moi je tenais à vous dire que si vous aimez bien Alan Moore, et je pense que si vous lisez les comics, vous aimez bien Alan Moore, il y a une série de web documentaires fait par Arte sur lui, donc des interviews de lui où il parle de son œuvre et il revient un peu sur sa vie. Et j'ai regardé le premier. C'est assez intéressant. Bon, ça reste Alan Moore, donc le mec est. Enfin, je sais pas ce qu'il fume et qu'est-ce qu'il boit, mais. Rien, c'est ça qui est génial. Ah ouais, rien. Bah, il y a vraiment. En tout cas, il a l'air très très barré et très très intéressant en tout cas. Donc, si c'est sur le site d'Arte, allez faire un tour, c'est vraiment intéressant. Et j'avais une news que j'avais sélectionnée exactement pour toi, mon cher Mathieu. Je vais râler ou pas ? Non, tu vas. Je ne sais pas. Non, je pense que tu vas parler. C'est par rapport à Vertigo et notre cher ami Jim Lee, donc qui est co-éditeur en chef de chez DC, qui a dit que 2018 verrait une importante lancée créative avec à la fois des nouvelles séries et du contenu inédit dans laquelle mais également de reprises de marques connues par Vertigo par leurs créateurs. Donc ils ont rajouté trois nouveaux éditeurs sur le label et ils vont essayer de relancer le label. Et je trouve que c'est assez cool. On vous en avait parlé plusieurs fois. On vous a parlé plusieurs fois de ça. Donc Vertigo, c'est un label de DC et c'est le label Creator Own. Donc c'est le label où le créateur, quand il dessine quelque chose, tout ce qu'il fait va lui appartenir, enfin en partie. Et donc ils vont relancer ce label qui avait un peu dépéri parce que Warner râle a priori. À part le Creator Own, puisqu'il peut pas faire de film avec. Donc voilà, je trouve que c'est cool. Il a déjà fait le coup en 2015, hein, ça n'avait pas marché. Ah ouais. Mais bon, oui, pourquoi pas, oui, tant mieux, oui. C'est vrai qu'ils se font bouffer par Image à ce niveau-là. Vertigo, c'est quand même culte. Et puis, il y a tous les éditeurs un peu importants, genre Karen Marger, qui sont partis. Oui, petit à petit, il y a eu même 2-3 scandales au milieu avec une éditrice qui a subi du harcèlement. Enfin, c'est fini de manière très, très glauque. Du coup, tant mieux s'ils veulent relancer la machine. Mais méfie un tout petit peu de Jim Lee. Mais si à la limite, il a juste l'idée et il s'en va, c'est cool. Ok. Bon, bah pourquoi pas. Hein. et on va passer à la première nouveauté de ces de cette saison. J'ai décidé, enfin on a décidé, trop tard, tu l'as dit, c'est bon. Je l'avais entendu à la radio. Donc on a décidé en équipe qu'on allait rajouter une petite rubrique à la fin des news. On va essayer de faire. Je suis désolé, on était un peu long sur les news. La prochaine fois, on essaiera d'être un peu plus. C'est ça qu'on avait dit aussi. Oui, mais c'est de ma faute. Je suis désolé. J'ai encore une fois, j'ai vu trop gros. Donc on va faire une petite rubrique à la fin des news. Et là, c'est Mathieu qui va s'en occuper. Ça va switcher d'émission en émission. Et toi, tu vas plus nous parler. Là, c'est plus pour le lexique. Donc tu vas nous revenir sur des termes qu'on va utiliser et qu'on utilise un peu souvent dans les émissions pour essayer de les expliquer aux nouveaux lecteurs qui auront peut-être un peu de mal à. Je me suis pas fait chier pour la première. On va juste parler de comics. Donc bah du coup, n'hésitez pas à compléter. On va faire ça un peu vite. Donc le comics, qu'est-ce que c'est que le comics en quelques mots, parce que sinon ça fait une thèse de quelques années. C'est grosso modo, c'est un petit abus de langage, mais bon, pourquoi pas, et je le trouve acceptable. C'est la bande dessinée américaine. Donc quand on passe comics, on a tendance à penser super-héros. C'est pas que ça, mais ça reste quand même une production emblématique. Pour faire un tout petit peu d'histoire, au début du 20e siècle, il y avait ce qu'on appelait des comics strips, des petites aventurettes de 4 ou 5 pages qu'il y avait dans les journaux. 4 cases plutôt, non ? Oui, pardon, cases. Qu'un cas. Et du coup, en 1933, les premiers comic books sont sortis. Donc ça, ce sont des petits fascicules d'une vingtaine de pages avec cette fois-ci des histoires un peu plus élaborées. Il y a eu une transition au début où ces comic books reprenaient vachement les comic strips. Et en 1938, l'éditeur National Allied Publications lance Action Comics numéro 1 avec Superman. Et c'est un peu le début de tout le reste, parce que forcément ça a très très très bien marché. Et pour le coup, au jour d'aujourd'hui, ce petit fascicule, ce comic book d'une vingtaine de pages, il existe encore. On peut appeler ça un single, donc c'est voilà, une unité de comics. On peut traverser ça comment ? Ouais, c'est un peu curieux ça. Du coup, donc, ça coûte entre 3 et 4 dollars. La spécificité, peut-être par rapport à nous, c'est que ça sort tous les mois. Il y a notamment ce qu'on appelle des ongoing, donc ce sont des séries qui vont sortir tous les mois, sans jamais s'arrêter. En fait, c'est ce qu'on a en kiosque, quoi, mais où il y a juste une histoire. Voilà, donc ça, c'est la base, c'est un peu la base aux États-Unis. Pour donner une idée rapidos, au mois de juillet, la plus grosse vente, du moins la plus grosse précommande, c'était 130 000 unités, ce qui n'est pas non plus extraordinaire. Ouais. Mais ça reste quand même la base de l'industrie. Après, effectivement, en termes de format, on a le trade paperback, qui est donc le même principe, mais c'est un relié. Cette fois-ci, vous allez avoir 5 ou 6 comic books à l'intérieur. C'est un relié souple, c'est ça ? Ceux-là, c'est relié souple. Donc vous avez en général un arc narratif de telle série, tel Batman, X-Men, Avengers, ou même d'autres séries pas forcément super-héros encore. L'étape un peu au-dessus, c'est ce qu'ils appellent le graphic novel, le roman graphique. Alors là, c'est peut-être pour des séries un petit peu plus moins super-héros. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est parce que bon, le comics, c'est un petit peu péjoratif parfois. Donc ils aiment bien dire qu'on fait du graphic novel. Ça envoie du pâté, ça fait genre un peu plus adulte, un peu plus sérieux. Et donc rapidement aussi aux États-Unis, les éditeurs, les deux gros Marvel avec les X-Men, les Avengers, les 4 Fantastiques et tout ce qu'on a au cinéma. En face, DC Comics, Batman, Superman, Wonder Woman, Cyborg, Green Lantern. Et beaucoup se partagent un peu les miettes, notamment Image Comics qui est le troisième, qui est pas mal parce que lui fait assez peu de super-héros, beaucoup plus donc de creator own comme on en parlait. Derrière, il y a assez peu de super-héros en fait parce que les deux trustent beaucoup, Valiant en fait un petit peu, c'est souvent des franchises ensuite, Dark Horse quand même, qui avait Star Wars, qui a Hellboy et ils ont Buffy aussi. Ils ont Buffy, ouais. Et donc ça aux États-Unis, en France effectivement le format est un petit peu différent. Si on veut lire du comics, vous avez comme tu disais James le magazine kiosque où là vous allez avoir 4 ou 5 numéros d'un même univers, on va dire. Par exemple le kiosque X-Men qui sort tous les mois, vous avez les 5 séries majeures X-Men qui sortent aux États-Unis. Et vous avez aussi le format relié, donc c'est exactement comme le trade paperback, ça pour le coup c'est quasiment un copier-coller avec une série et 5 ou 6 numéros de cette série qui vont faire un arc narratif. Et pour les éditeurs, là, bah, je regarde un peu Jordan, il y a Panini, c'est Marvel, Urban, DC, Delcourt, ils ont plutôt quelques titres, genre Walking Dead, ils ont les Star Wars. Et Urban, c'est... La base, c'est... Non, pas Glenna, c'est... Merde. Delcourt ? Non, c'est pas Delcourt. Urban, il y a un gros éditeur derrière, non ? Non. Urban. Oui, non, mais je veux dire, ça appartient à un gros éditeur de BD ? Pas à ma connaissance. Désolé, je casse mon truc. Il n'y a pas de problème. Et donc voilà, il y en a quelques-uns qui se partagent. Image aussi avec Glenna. Oui. Parce qu'il commence à grandir quand même. Et Bliss qui est pas mal, on en parle de temps en temps aussi, qui est sur Valiant, qui bouge pas mal. Ouais, qui fait des trucs cool, ouais. Et il y a plein de petits éditeurs. Snorgle qui est sorti il y a pas trop longtemps. War Room. Ouais, il y avait quoi d'autre ? Delirium qui fait les Judge Dredd. Ouais. Bah, moi je suis assez. Ankama pour être un quand même assez lecteur de comics depuis quelques temps, je suis vraiment très très étonné du nombre de titres qui sort. On sent un peu que je sais pas comment ça marche quand t'achètes des droits, mais qu'ils achètent un peu tout pour tenter d'avoir le prochain Walking Dead ou le prochain truc qui va cartonner à fond. Mais c'est vraiment impressionnant ce qui sort. Il y a bon, pas tout bien sûr, mais il y a quand même la plupart des titres majeurs. Les grands auteurs sont traduits, retraduits. C'est pas Dargo derrière Urban? Je suis sûr qu'il y a un mec. C'est le même distributeur, ça, je peux te le dire. Oui, c'est le même distributeur qu'Adargo. Je crois que c'est Dargo et Urban. C'est pas Warner. Mais je crois que Urban est un label d'un gros. Parce qu'il y a Urban et maintenant ils ont des labels à l'intérieur parce qu'ils ont aussi Urban China qui est leur comics, leur manga. Ouais, ils jouent Urban Game aussi maintenant, ils vont faire du Street Fighter. C'est vrai. Street Fighter et Injustice passent chez Urban Game. Urban Game. On verra bien. Je sais pas. Ouais, je sais pas si les comics Street Fighter ça vaut quelque chose. Bon, je pense qu'on a fait le tour un peu de ce que tu voulais dire. Oui. Oui. Si vous avez des trucs à ajouter, allez-y. Non, je vois pas comme ça. Froid. C'est pas mal. C'est bien. Merci. C'était déjà bien. C'est... Ah, ouais. Très bravo. Bon, on applaudit Mathieu pour sa première rubrique. Alors, si vous avez des questions, on nous appelle. Ouais, voilà, exactement. Et on va passer à... Oui, parce qu'on a enlevé pour pouvoir plus vous parler, parce qu'on ne vous parlait pas assez, je pense que vous avez besoin d'entendre plus parler de comics. On va switcher, on va enlever une pause musicale et on va commencer direct avec notre thème de la semaine. Et la semaine dernière, c'était les 100 ans, ça devait être les 100 ans de Monsieur Jack Kirby, un grand, grand, grand nom des comics. Et du coup, bah, on va vous en parler et on va peut-être un peu faire les coulisses. Moi, je vais vous faire la bio et normalement, c'est Romain qui n'est pas là, malheureusement, qui devait faire. C'est pas moi, je comprends pas. Non. Qui devait faire DC et j'avais demandé à Mathieu en dernier recours. Oh merde, excuse-moi, tu peux pas me faire. Normalement, j'aurais dû dire DC et j'ai dit Marvel et on a eu deux personnes qui se sont occupées du Marvel, donc on va. On s'excuse déjà. On va parler que de Marvel, de toute façon, on supprime DC. Et... Mais non, on va improviser. Et c'est Juni qui va avoir la tâche très ardue de nous parler du style graphique du monsieur. En le mimant à la radio. Oui, parce que le monsieur est un dessinateur. Donc voilà, moi je vais vous faire une petite bio alors sur Jack Kirby. Ce monsieur est né le 28 août 1917 à New York, dans un quartier pauvre de New York. Et à la base, il ne s'appelait pas Jack Kirby, mais Jacob Kurtzberg. Donc très jeune, il a toujours été attiré par le comic strip. À 14 ans, il intègre une école d'art, mais lorsque son père perd son emploi, il doit quitter l'école et travailler comme livreur de journaux. Plus tard, il trouvera une formation en art et qui lui permettra de faire ses premiers comic strips sous le nom, c'est un délire qu'il avait au début. Il avait beaucoup de pseudos et au début c'était Jack Curtis et après il a bossé aussi en animation. Il a fait du dessin pour Popeye. Donc voilà. C'était pas qu'un délire les surnoms. C'est comme Chloé Bennett avec son nom chinois, c'est exactement pareil. Ah oui, parce que Kurtzberg, ça sonne trop Kurtzberg. Juif. Ah oui, j'avais pas vu ça sous ce. Voilà. Ça fait bijoutier. Là. Ça fait bijoutier. Oui, non, celle-là, elle était pas terrible. Donc après, il a enchaîné chez pas mal de petits éditeurs, notamment Lincoln. Lincoln Future Syndicate, où il a fait du freelance pour Sopher Lithion chez Thème Blue. Ça sent que c'est pas moi qui ai écrit la bio, je crois. Non, pas du tout, c'est très fluide. En 1940, il a fait son premier. Pour la première fois, il a pris son nom de Jack Kirby pour un truc chez Trash Comics. Et c'est là qu'il a rencontré Joe Simon, avec qui il va créer pas mal de héros, et notamment quelqu'un que vous connaissez peut-être. Qui s'appelle Captain America et son sidekick s'appelle Bucky Barnes. J'adore le. C'est pas grave. Du coup, j'aurais dû mieux préparer, je suis vraiment désolé. Donc après, il est parti à la guerre, il est revenu blessé, mais avec des médailles. Il a continué à bosser dans le comics. Et il a même créé les premiers comics romantiques, dont Young Love et Young Bride. Voilà, exactement. Ça devait être très très cool. J'en ai pas lu. Est-ce que quelqu'un a lu du comics dans ce genre-là? Non, on les retrouve difficilement, ceux-là, malheureusement. Je pense que c'est le genre de truc que les gens préfèrent cacher. Sauf les gros fans. Ça se trouve, c'est super bien. Ah oui, moi j'en doute pas. Hein. C'est ça le truc. En plus, son dessin est totalement différent dedans. Après, en 54, il a recommencé à bosser avec Simon chez Mainline Publications. Et malheureusement, ça s'est fait racheter. Après, il a rebossé chez DC. Il a commencé chez DC. Il a fait du Green Arrow et du Showcase. Et après maintes péripéties, en 61, il a rencontré quelqu'un qui s'appelle Stan Lee, avec qui il a créé pas mal de héros. Et c'était là que je voulais passer la main à quelqu'un d'autre, puisque c'est un peu là que sa carrière a commencé à être vraiment connue. Non, il était connu avant, parce que Captain America, ça a été un gros succès quand même, parce qu'on est en 1940, on est dans une époque où les États-Unis sont pas encore en guerre officiellement contre les Allemands, et on est dans un monde surtout où on reçoit des journaux toute la journée qui nous parlent de la situation de l'Europe, que c'est catastrophique, et c'est à ce moment-là donc que Joe Simon, comme tu as dit, et Kirby ont décidé de créer Captain America. Là où ça a été assez novateur, c'est déjà ils ont pris un personnage avec les couleurs du drapeau américain pour bien montrer que c'est bien les États-Unis. La première de couverture, c'était Captain America en train de frapper Adolf Hitler. Hein, cette scène-là, on l'a tous vu à un moment ou à un autre passé, je pense. Oui. Et enfin, il y avait aussi donc Bucky qui avait été créé par Joe Simon pour nous expliquer, en fait, enfin il explique dans une interview que c'est pour les enfants qui ont vu leurs parents ou leurs oncles, etc., partir au front en 41. Pour leur montrer que les enfants vont quand même aider, etc. Et oui, parce que Bucky avait sa propre série au bout d'un moment avec les Young Alliés ou je sais pas quoi. Donc ça a été un très gros succès, surtout qu'on avait déjà la patte graphique de Kirby, c'est-à-dire qu'on avait, on avait des Captain America qui sautaient de cases pour frapper l'adversaire en face. Enfin, il y avait un truc quand même graphiquement qui a vraiment marché, ça a été un très gros carton et après ça a disparu parce qu'on n'avait plus besoin parce que la Seconde Guerre mondiale était terminée. Et puis les super-héros après la guerre, c'était un peu passé de mode. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a eu le fameux comment il s'appelle encore ce livre, Corruption of the Innocents ou un truc comme ça. C'est un psychologue qui s'est ramené et qui a expliqué que les comics c'était de la corruption de la jeunesse et donc que Batman il était homosexuel et le truc de s'habiller en costume etc c'était vachement malsain, c'était la promotion de la violence. Enfin, c'est à cause de ça qu'il y a pas mal de bouquins d'horreur, de crimes etc qui ont été obligés de juste disparaître et les super-héros sont devenus extrêmement lisses. Et il y a eu toute une période en fait qui contribue un peu au fait que les super-héros sont aussi connus aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait que ça pendant une très longue période et Stan Lee a entre autres contribué à faire en sorte que cette période s'arrête. Mais c'est une période dont les comics ont encore un peu de mal à sortir. Le côté, tu sais, pour les gamins, c'est stupide, etc., vient mais aussi un très, peu de très ça. Très censuré, en fait. Voilà, c'est exactement c'est ça. C'était tellement sucré et lisse que tu pouvais avoir que des gars en collant qui font des trucs pas trop complexes et pas trop dangereux pour les gamins. C'est pour ça qu'il s'est lancé d'ailleurs dans les trucs de romance et dans les westerns, parce que c'est à ce moment-là, c'est quand il a revu la guerre. Et donc quasiment tous les super-héros ont été malmenés, donc il a plus fait de super-héros à ce moment-là. Et il est parti chez DC pendant quelques années, mais DC on en parlera après, donc j'en vais pas en parler. Donc c'est en 1961 qu'il a rencontré Stan Lee. Au fait, c'est même plus compliqué que ça, parce que en fait c'était Stan Lee qui était le cousin, je crois, du mec qui créait Marvel à l'époque. Il lui a fait, voilà, on a marre, on est en train de couler parce qu'on fait des trucs d'humour, on fait des trucs de romance et des westerns, il faut que tu nous aides. Et Stan Lee a fait, j'en ai marre de faire ça, je me casse. Et sa femme lui a fait, non mais il faut que tu fasses une dernière bande dessinée. Donc il a rencontré Kirby. Et là ils ont eu une idée, ils ont fait une bande dessinée où on avait aussi la vie des super-héros, montrer qu'ils sont un peu humains, un côté un petit peu soap-opéra. Et c'est les 4 Fantastiques. Donc les 4 Fantastiques, hein, pour ceux qui les ignorent, ce ne sont pas que des films massacrés par la Fox. Yep. C'est aussi une superbe bande dessinée où, dans le contexte, c'est 1961, 4 personnes qui décident d'être les premiers à marcher sur la Lune et quand ils partent dans l'espace, ils vont être irradiés par des rayons cosmiques et quand ils vont revenir, ils vont tous les 4 avoir des super pouvoirs. Et c'était pareil, assez novateur parce que ça avait changé, parce qu'on avait le côté humain, on avait le côté familial, on avait l'histoire d'amour entre Mr. Fantastique et la femme invisible, on avait la chose qui était assez démolie au fond d'elle parce qu'elle voulait récupérer son corps, on avait ce côté aussi anti-URSS en disant, vous avez vu, en 1961 on avait déjà des gens dans l'espace même si c'était en BD. Et au fait ça a fait un carton plein alors qu'ils s'y attendaient pas, ils pensaient qu'ils allaient arrêter dès le premier numéro. Et à ce moment-là, ils ont fait. Stan Lee a eu carte blanche avec Kirby pour créer le Marvel Universe. Enfin, l'univers Marvel après, et créer plein de personnages. Donc on en a eu quelques-uns. On a eu Hulk, quand même, en 62. Un petit bonhomme. La même année, on a eu Thor. Bon, pas la version qu'on a aujourd'hui, mais celle où c'était un médecin qui tapait un bâton sur le sol et qui se transformait en dieu Asgard. Qu'est-ce qu'on a pour eu battre des extraterrestres. Ouais, mais en c'était forme de cailloux. Voilà. Alors, par rapport à ça, on a quand même Captain America qui va affronter à un moment une ligue de reptiles. Hein, donc, je pense que tout est faisable dans le comics. Qu'est-ce qu'on a eu encore après? Parce que j'ai noté plein de trucs, mais... Disons que la liste est super longue, quoi. Je veux dire, tu prends les plus gros, genre les X-Men, etc. Bah, les X-Men, encore, c'est après, il y a eu Nick Fury. Oui. Où ils ont créé donc leur James Bond-like qui n'avait pas forcément beaucoup marché, qui a été récupéré plus tard. Bah, les X-Men, les Vengeurs. En 1964, il reprend Captain America avec Stan Lee. Là où c'est vraiment un carton, c'est qu'on récupère le Captain America qu'on avait abandonné. Donc en fait, il va y avoir une timelapse. Et il va arriver donc en 64 à l'assassinat de Kennedy, et il va arriver dans un monde qui ne comprend pas en disant mais pourquoi on a fait ça, etc. Et c'est un homme pareil, il va chercher mais à quoi je vais servir dans ce monde là. Donc c'était un truc qui était ultra novateur, parce que pendant cette période là, pour mettre le contexte, chez DC c'était juste super-héros, méchant. Un méchant, je bats le méchant, c'est le Golden Age avec des trucs très... Voilà, c'était très classique. Et donc il a continué, il a fait donc il a bossé là dessus et il a continué. Donc après, il a participé à la création de Spider-Man. Petite anecdote, c'est lui qui a trouvé le nom, hein, ce qui n'est pas rien. Bon, après ça devait être facile, on a trouvé un personnage, oui. Et il a des super pouvoirs, il grimpe au mur, il a des toiles d'araignée, Spider-Man, ouais c'est pas mal. Bon, c'est pas le plus compliqué, mais il a continué là-dessus. Il avait pas fait un premier design? Oui, il avait fait un premier design, ça convenait pas, et du coup c'est Ditko qui a fait le design et les premiers bouquins qui ont suivi. Donc à partir de ce moment-là, donc c'était la fin de la période de Kirby chez Marvel, parce qu'il est reparti chez DC parce qu'ils ont eu des petits problèmes de reconnaissance de l'auteur et surtout pécunier. Qu'ils ont encore d'ailleurs. Oui, ils l'ont toujours. La famille de Kirby est toujours en procès avec Marvel pour récupérer les pages. Ouais, en fait, puisque Marvel veut pas rendre les originaux de Kirby tant que la famille dira pas que tout ce qu'a fait Kirby chez Marvel appartient à Marvel et pas du tout à Kirby. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc il s'est barré chez DC, on en reparlera après. Il est revenu en 75. Là, il avait fait 2001 l'Odyssée de l'espace, qui avait fait un flop. Et il a continué avec un des personnages de sa version, c'était Machine Man. Qui était c'était l'une des rares séries où il était tout seul. Et c'était vraiment cool, parce que je les ai relus il y a peu pour l'émission, et il y a quand même un combat Machine Man contre Hulk, et il se fait massacrer la tronche. Et c'est pas Hulk, Machine Man, et t'as des pièces partout qui volent et tout, enfin c'est vraiment cool. Donc il a bossé sur là-dessus, et la dernière collaboration qu'il a eu avec Marvel, c'est en 76, je dis une bêtise. En 76, il va créer Black Panther, qui est le premier super-héros afro-américain officiellement, mais qu'on avait déjà vu dans les 4 Fantastiques, mais il a eu sa propre série à ce moment-là. Et en 78, ce sont les dernières aventures qu'il a fait officiellement chez Marvel, et c'est le Surfeur d'Argent, avec Stan Lee. Donc, après ça, on se dit, mais quelle influence il a eu? Mais c'est juste énorme, parce qu'il a créé énormément de choses. Dès les années 60, les gens qui travaillaient, donc à l'époque, c'était toujours Marvel, parce que c'était Timely avant, mais c'était chez Marvel, on leur disait mais faites du Kirby, donc le style graphique adaptez-vous. D'ailleurs, si on voit, il n'y a pas énormément de différence par rapport à aujourd'hui, on a tous les styles, on peut pas comparer un Delotto à Adler, je pense, parce que c'est vraiment des styles totalement différents, mais à l'époque on disait faites comme du Kirby, ça a marché, c'était le principe de l'industrie. Et c'est une personne qui, par la suite aussi, a inspiré des gens comme Alan Moore, des gens comme Frank Miller, qui a fait une interview il y a genre un mois où il expliquait que sans lui on serait pas là et qu'il y aurait pas tout ce mythe du super-héros. Donc c'est quand même un grand bonhomme. Ouais, qui a inventé pas mal de trucs. Et toi, on va switcher un peu avec nos souvenirs. Donc là, ça va être plus compliqué. Chez DC, moi j'ai souvenir qu'il a créé tout le côté cosmique. Donc tout ce que avec Darkseid, les New Gods, tout ça. C'est à lui qu'on doit ça. Qui d'ailleurs, sont dans le titre, Green Lantern, qui va sortir dans un mois ou deux, les New Gods. Et il y avait un crossover entre les New Gods et Green Lantern l'année dernière. Donc ça a beau dater, c'est encore un concept qui fonctionne. C'est toujours des trucs qui reviennent. Ouais. Tout le reste, les Vengeurs. Enfin, il n'y a pas un de ces personnages qui a disparu pour l'instant. Enfin, Machine Man, si, parce que voilà, mais il y a eu une intégrale il y a peu. Mais c'est ça qui est assez exceptionnel avec le bonhomme. Alors pour le coup, moi, c'est peut-être un peu plus Marvel, mais lorsqu'il est revenu, j'ai pris deux notes aussi. Lorsqu'il est revenu en 75 la deuxième fois, il a créé la série The Eternal avec les Célestes. Les Célestes qui sont ces fameuses races aliens très anciennes, des géants, qui en fait se retrouvent encore maintenant souvent un peu en seconde zone dans pas mal de dans Gardiens de la Galaxie, on les voit. Ils ont un peu perdu leur impact depuis le temps. Oui, ouais, c'est un peu moins. Ils ont un peu moins de. Ouais, effectivement, un peu moins de. C'est une série que tu conseillais, toi. Oui, j'adore ce bouquin. je l'ai pas encore fini d'ailleurs. Enfin, j'en parlerai quand je parlerai du dessin. Je suis à la page 2. Mais il y a. Non, mais plus que ça quand même. Non, mais c'est un. Comment dire. C'est un pan de l'univers qui est très, très, très, très peu connu. Parce que très très peu utilisé en fait. Pas bien en fait, hein, c'est dommage. Aussi, ouais. Et en fait, le gros truc, c'est qu'il y a beaucoup de trucs que Corby a fait qui sont très peu utilisés parce que ce qui compte en fait finalement, c'est pas juste le concept, c'est comment tu le mets en scène aussi. Et il n'y a pas des masses d'auteurs apparemment qui ont vraiment envie de faire des trucs particuliers avec beaucoup de créations de Corby qui aujourd'hui sont un peu sur le côté. Là récemment, il y a. Comment il s'appelle encore ? Miracle Man. Mr. Miracle qui vient d'avoir une nouvelle série qui vient de commencer aux États-Unis. Il y a quelque chose comme un numéro qui est sorti pour l'instant. C'est génial déjà. Mais c'est anodin limite d'avoir un personnage comme ça que Kirby aura fait qui est très peu utilisé et qui d'un coup ressort parce qu'il y a un gars qui s'est dit putain, il y a un truc trop cool que je peux faire avec. Et dans les meilleures réutilisations de personnages de Kirby, souvent c'est parce que justement ils veulent pas copier le dessin, ils veulent copier l'intérêt psychologique du perso, on va dire. Pourquoi il fonctionne, quelle est la psychologie derrière, quelle est sa vie, etc. Son thème, si on peut dire. Mais pour continuer ce que tu disais, même on regarde à l'époque où il avait plus les droits sur Captain America et qu'il avait envie de refaire un héros un peu patriote, il avait sorti un autre héros un peu dans le même délire qui s'appelle Fighting America. Et Fighting America est en train de revenir, l'éditeur est en train de faire un reboot en ce moment du personnage, donc ça montre vraiment l'héritage de ce grand monsieur. Et moi j'avais noté une stat très impressionnante, j'espère qu'elle est vraie. 1962, donc alors justement il vient de rencontrer Stan Lee, il a lancé les 4 Fantastiques, il est en pleine bourre, le coco aurait dessiné 1158 planches en une année, ce qui fait 3 par jour. C'est vrai. Ah, tant mieux, je m'en sors bien. En tout cas, c'est extrêmement possible de le croire parce que ce mec n'est pas humain. Ce mec, enfin, était pas humain. C'est le genre de gars, il te fait une planche, il commence en haut à gauche, il finit en bas à droite d'une seule traite. Et il a pas de trait de préparation, il avait une règle qui apparemment était genre dégueulasse, totalement bossée de partout. Mais il commençait en haut et il finissait en bas et il faisait ça comme ça, tranquille. Et du coup, il te pompait des pages, mais à une vitesse phénoménale. Il y avait Stan Lee qui disait qu'il était capable de l'appeler en lui disant j'ai besoin de 5 pages ce soir, il les a. C'est un truc que personne ne peut faire. Là, pour le coup, quand t'es en train de parler du dessin, vas-y, tu peux enchaîner sur ton style graphique. En fait, il y en a plusieurs des styles. Alors celui qui est le plus connu, tout à l'heure quand tu me disais qu'il fallait mimer à la radio et que je t'ai répondu pao, en fait, je crois que c'est la meilleure explication possible et imaginable du style Kirby tel qu'il est conçu quand on en parle généralement. C'est ce mec, en fait, il a un trait extrêmement, alors en anglais on appelle ça blocky, c'est-à-dire on dirait qu'il dessine avec des cubes presque, et il a tendance à faire des personnages très anguleux avec des proportions exagérées au possible et souvent très musculaires. Le truc c'est que il a pas toujours dessiné comme ça. Quand il a commencé, il avait un dessin plus classique, on va dire, qui avait pas encore beaucoup de personnalité, etc. Même si techniquement c'était super. Et c'était à l'époque justement où il commençait tout juste à dessiner, il s'appelait encore Kurtzberg, etc. Et au fur et à mesure des années, il a changé plusieurs fois de style de dessin. Et autant dans les romance comics, il a un dessin plus doux, plus souple, parce que c'est une histoire de romance, qu'il n'a pas s'amuser à dessiner des grosses machines. Autant quand il s'agit de dessiner des super-héros ou des aventures de militaires, parce qu'il a fait de la romance, il a fait de la science-fiction, il a fait de la guerre, il a fait de la fantasy, il a fait tout n'importe quoi ce mec. Et quand il s'agissait de dessiner ça, et c'est surtout pour ça qu'il est reconnu, c'est des gros gars avec des explosions de partout, et surtout il avait un découpage qui était révolutionnaire dans le sens où il jouait en fait avec le fait qu'il avait des formes sur le papier et des lignes sur le papier. On a souvent tendance à vouloir cantonner les choses dans des cases, et c'est un truc que les Européens aiment beaucoup faire d'ailleurs, comparé aux Américains ou aux Japonais. Alors que lui, justement, il prenait un personnage, il le faisait sauter d'une case à une autre avec un point qui sort, il exagérait les proportions possibles. Il y a plein de témoignages de gens, y compris des dessinateurs, qui disent lorsque je voyais ces pages pour la première fois, je me disais mais c'est dégueulasse, c'est nul, ça, c'est moche et tout ça. Et c'est au fur et à mesure du temps qu'ils ont commencé à comprendre non seulement que c'est pas anatomiquement incorrect involontairement, c'est-à-dire qu'il le fait exprès. Parce qu'en fait, il sait très bien comment on dessine un corps normalement, c'est juste qu'il a décidé que voilà, il ferait un genou de cette taille et voilà, va te faire voir si t'es pas content. et l'impact en fait visuel vient justement du fait qu'il exagère tout au possible. Et le truc, c'est que ça a pas l'air comme ça quand on voit aujourd'hui les personnages tels qu'ils sont, avec le style un peu plus, on va dire, un peu plus Jim Lee, un peu plus mainstream, j'ai envie de dire, où les personnages ont souvent tendance à être dessinés très beaux, etc. Mais l'une des raisons pour lesquelles les 4 Fantastiques fonctionnaient, ou les gars comme les X-Men et tout ça, c'est parce que justement il accentuait le côté un peu monstrueux de ces personnages. C'est ce qui allait bien avec Stan Lee, parce que Stan Lee voulait faire des monstres, et ils apportaient un côté humain à des personnages à l'apparence vachement exagérée, vachement étrange. Ouais, le faux, c'est mon X-Men préféré. Voilà. la chose, c'est mon 4 Fantastiques préféré. Et c'est en partie à cause de Kirby, justement. C'est pas juste au niveau du dessin pour le coup, le fauve ou la chose, c'est aussi parce qu'il y a un concept derrière. Et c'est un autre élément qui est très intéressant avec Kirby, c'est que au-delà du dessin, c'était aussi un putain de créateur. C'est-à-dire que le gars, il est dans sa cave, qu'il appelait le donjon, et le truc était rempli de bouquins de science-fiction, de bouquins de fantasy, etc. Surtout de la science-fiction apparemment. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait un bouquin, il était capable de te prendre une ligne d'un livre, au pif, un peu comme ça, et il te faisait un putain de concept à partir de ça. Quand il ouvra la porte. Non mais c'est ça, et le truc c'est que la porte justement elle devient une espèce de muraille gigantesque avec des fils ouais. par-dessus et plein de circuits imprimés et tout. Et il crée des concepts, pas juste des personnages, il crée justement pas juste leur apparence mais le concept derrière, la personnalité qui va avec, et c'est ce qui fait la force de la chose. C'est qu'au-delà du côté j'ai un corps en pierre, je suis un monstre et je souffre, etc. Et tous les personnages c'est un putain de concept dans une boîte. Et c'est génial, et tous les personnages justement existent encore parce qu'au-delà de son dessin, le cœur même du perso est puissant. J'ai vu une citation, je sais plus qui l'a dit, je suis désolé, qui avait dit tu demandes à n'importe quel dessinateur de te dessiner 150 vaisseaux spatiaux, tu vas vite voir qu'ils sortent de la même chaîne de montage. Kirby fait 150 vaisseaux spatiaux, c'est 150 civilisations différentes avec son histoire, son truc, son style et son machin. Yep. Et en une nuit. Ouais, oui, en une nuit. Et bon, après, j'ai lu du Kirby, faut pas se voiler la face non plus, le gars date d'il y a un bon moment. Donc le dessin est toujours aussi puissant. Par contre, le seul bémol, j'ai envie de dire, qui fait justement que j'ai pas fini Eternals, parce que c'est un peu lourd, ça date de l'époque où il y avait beaucoup beaucoup de textes dans les BD, dans les comics en tout cas. Et du coup, t'as beaucoup beaucoup de descriptions, t'as beaucoup beaucoup de ce que les shonen manga font, c'est-à-dire une scène se produit, t'as une action et tous les personnages font un commentaire sur l'action qui est en train de se produire, du genre oh mon dieu, la trappe s'est ouverte. Alors que la trappe s'est ouverte et tu la vois. Dans les shonen, ils finissent pas leurs phrases. Oh non, il va utiliser la. Voilà, il y a ça aussi. Mais du coup, ouais, c'est un peu lourd, mais c'est pas le seul qui faisait ça d'ailleurs. C'est parce que c'était payé à la case aussi. Voilà, et c'est tout, il y a plein de raisons autour, et comme je dis, c'est pas le seul qui le faisait, c'est vraiment un produit de son temps, tu vois. Par contre, ça avait un gros élément positif qui n'existe plus aujourd'hui, ou en tout cas beaucoup, beaucoup moins, qui est que comme t'as un narrateur qui te décrit ce qui se passe, c'est pas pour rien que les comics de l'époque avaient un titre sur la couverture où t'avais l'invincible Iron Man. Ou l'indestructible Hulk, ou le Mighty Thor, enfin le puissant Thor, je suppose qu'on pourrait traduire comme ça. Il y a un côté édulcoré, exagéré dans la manière dont la narration est faite, et avec Kirby c'est un mariage parfait, parce que quand il te montre un canon qui tire dans l'espace et qui te dit que c'est le truc le plus momentanesque, pour te donner une idée du mot bizarre qu'ils inventaient, qui est jamais arrivé, tu le crois. C'est Stan Lee d'ailleurs qui l'a toujours décrit comme le King, c'est lui qui lui a donné le titre. Ouais. Et moi je reprendrai une autre citation, parce que c'est dans Faire la bande dessinée de Scott McCloud que justement il parle de Kirby, où il disait cette personne là c'est la personne qui s'est emparée du média du comics et qui a réussi à nous montrer la puissance. En vrai, quand t'étais en train de regarder un combat de Hulk ou tu es en train de regarder un combat des 4 Fantastiques, tu sentais la puissance en face, tu savais que le mec il allait le défoncer. Et c'est, je trouve ça assez fort, parce que aujourd'hui dans le dessin on s'en aperçoit de plus en plus, ils arrivent à nous montrer des personnages surpuissants, etc. Mais c'était un des premiers à nous faire ça. Ou quand tu voyais un pain de Hulk, t'avais mal pour le mec en face. Et ça, c'était vraiment cool. Et après, par rapport au créateur, c'est vrai qu'il a bossé aussi sur Stan Lee. Sur Stan Lee, exactement. Il l'a créé, c'est pour ça qu'il ne meurt pas. C'est pour ça qu'il ne meurt pas. Non, il bossait avec Stan Lee, mais il faut voir aussi les concepts et les messages qu'ils ont réussi à amener derrière. Parce que les X-Men, ils ont toujours parlé que c'était pour parler de la communauté gay à l'époque qui était bridée. Le Black Panther, ils ont fait, ouais, mais attendez, à cette époque-là, c'était un peu le bordel. Il fallait forcément qu'on ait un héros black. Et il fallait que ça soit Marvel qui commence, ils ont réussi à amener des choses quand même assez novatrices. Enfin, arriver à nous faire un patriote dépressif comme Captain America à l'époque, c'était osé, c'était à une époque, hein, enfin c'était à un moment où les enfants, ils allaient à l'église et ils brûlaient des comics devant l'église en dansant et en chantant en disant Alléluia. Donc faut arriver à ramener le truc. Et c'était des gens très progressifs. Oui, tout à fait, mais tu vas voir qu'un jour ça va revenir. Et un peu au Japon déjà, ça commence à être sur la censure, mais c'est autre chose. Moi je brûle des DC assez régulièrement. Bah, tous les films de Scott Snyder, j'ai acheté tout ce qu'il y avait et je brûle comme ça, j'attends. Je vouais. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que, en ta qualité de libraire, est-ce que tu aurais 2-3 trucs à conseiller qui sont sortis, qui seraient disponibles, quoi ? Alors, de disponibles, là, ils ont fait. Bah, alors, si vous êtes vraiment très riche, ils ont fait une anthologie de Kirby qui s'appelle King Size Kirby, qui vaut 150 euros. C'est 1300 pages de Kirby, donc soit une année de production. Et c'est le genre de bouquin que tu poses sur tes jambes, puis après tu n'as plus de circulation de. C'est exactement ça, c'est pour ça qu'il faut que tu aies un pupitre comme dans Au nom de la rose. D'accord. Et exactement, tu fais super bien Sean Connery. Et on a celui-là, après on peut retrouver tous les Captain America dans les intégrales par année, on peut retrouver donc tous les anciens. Je sais qu'il y a les Inhumains qui sont sortis cette année en intégrale, donc vous avez la première année, donc 62 si je. Mais du coup il y a les X-Men aussi comme ça. Il y a les X-Men aussi que je vous conseille vivement, je les ai lus comme ça dans les Strange quand j'étais enfant. Mais on a ça, on a le Machine Man qui est sorti. Si vous voulez découvrir autre chose que du super-héros de Kirby, il y a aussi une intégrale de Les Losers. Ouais, qui est sorti chez Urban il y a 2-3 mois. Exactement, qui est donc sur la Seconde Guerre et un peu ses souvenirs, même s'il est resté qu'un an, il a eu quelques souvenirs là-bas. Donc voilà, non, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'il peut y avoir. En SF, il y a Kamandi aussi, le fils de. Le dernier homme sur Terre, ou un truc comme ça. Ou le dernier fils de. Ouais, il y a le quatrième monde aussi. C'est vrai, il y a le quatrième monde chez Urban. Ouais. Il y a le Kirby Anthology qui est sympa sur l'histoire du bonhomme. Ce qui peut être sympa aussi de s'intéresser si vous voulez pas lire du Kirby mais un petit peu apprendre sur le perso, je vous invite à. Je crois qu'il y a un truc New God aussi sorti chez Urban qui doit traîner quelque part. Ça doit traîner. Ouais. C'est possible. Je les connais pas tous, tu sais, c'est 6000 sorties par an de bande dessinée, donc je peux pas tous les retenir, je suis désolé. Ok, j'espère qu'on aura rendu hommage au grand personnage qu'il est. Qui était Jack Kirby. Est-ce que vous avez une petite recommandation vite fait avant qu'on se quitte? Tu veux dire hors Kirby? Hors Kirby, ouais. Wakfu. Oui, je savais que tu allais parler de ça. Oui, je dois, c'est nécessaire. Comment dire, j'ai envie que ça marche, on va dire. Parce que ça fait plaisir de voir un truc comme ça, donc je recommande à toutes les personnes possibles et imaginables. En une minute. A priori, bon, les gens qui connaissent pas Wakfu, il y a un univers qui existe en jeu vidéo qui s'appelle Dofus, et de Dofus, ils ont créé la compagnie Ankama a créé une suite à l'univers qui se passe quelque chose comme 1000 ans après. 200 ans. Un truc comme ça. Ouais. Et Wakfu, en fait, à la base, c'est dans l'univers de Dofus, donc il y a plusieurs classes de gens. C'est un peu un monde un peu MMORPG, mélange entre de l'influence japonaise et de l'influence européenne et de l'influence comics. C'est un groupe. Et de l'humour. Potlash, ouais, beaucoup, ouais. Et le concept est assez difficile à expliquer parce que le principe c'est que c'est un petit garçon à l'origine inconnue, comme toutes les classes de ce monde là, tous les gens savent en gros à quel clan ils appartiennent si on peut dire, et lui il sait pas. Et le principe de base c'est qu'il part en voyage avec un groupe d'amis qui sont tous d'une classe différente, et ils partent en voyage pour essayer de découvrir d'où il vient. Et de là ils ont plein d'aventures où ils vont rencontrer plein de personnages intéressants et badass ou drôle ou touchant. Enfin, c'est une création française, et c'est ma création française animée en tout cas préférée en termes de série. C'est pas Last Man? Non. Ah ouais, c'est mieux que. Moi, attends, c'est 100 fois mieux. Ah ouais. Après, je veux pas comparer les deux, mais je préfère largement Wakfu. Mais c'est vraiment une question de préférence personnelle. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre ou quoi. C'est pas le même public non plus. C'est à dire que Wakfu peut être apprécié autant par les gosses que par les adultes, je pense en tout cas. Il y a des épisodes qui sont beaucoup plus gosses que d'autres d'ailleurs. Mais en général, c'est. Disons que pour les gens qui aiment lire de la bande dessinée avec des super-héros dedans, je les vois le mal justifié de pas aimer Wakfu. Ouais. Ne serait-ce que pour un niveau maturité. il y a la saison 3 dont les 5 premiers épisodes viennent de passer sur Ludo, sur France 4 le week-end dernier. Ils sont disponibles jusqu'à au moins la semaine prochaine sur le site internet de Ludo. Donc j'ai envie de dire, allez voir toute la série si c'est pas déjà fait. Allez voir les 5 épisodes de la saison 3 qui viennent de sortir. Et les OAV aussi, mais voilà, vous les trouvez sur Netflix. J'allais dire aussi, il y a 3 OAV entre la saison 2 et la saison 3. Il y a le film de Fus qui était regardable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le film d'Ofus, si t'as regardé la série, tu commences à voir l'origine d'un des personnages qui intervient dans Wakfu, qui était ultra mystérieux, Joris. Il y a le côté partagé, effectivement, qui est génial. Ils avaient justement Joris qui apparaît en petit caméo dans Wakfu. Il y avait la série d'Ofus qui se passe 200 ans ou 1000 ans avant, machin, qui se passe dans le passé, où Joris est enfant. Sauf que vu la... Ouais, chez Papy Chat, et c'est des petits épisodes de 5 minutes avec un petit papy d'une classe qui s'appelle les Ekaflip, qui sont des sortes d'hommes chats. Et lui, en gros, il a eu une vie de héros pas possible, génial, extraordinaire. Sa maison est entièrement remplie de reliques de ses aventures passées. Et il raconte à ce petit Joris, qui doit avoir 5 ans, ses aventures, sauf que c'est un gros mytho. Et il aime bien embellir ses actions de quand il était plus jeune, et ça donne des aventures vachement fun. C'est 5 minutes, c'est super cool. Et enfin voilà, c'est un univers super riche, j'adore. Ok, Mathieu, est-ce que t'as une petite recommandation? C'est la maison de Kérobine. Recommandation, peut-être pas forcément, juste un petit coup de triste sympa. J'ai lu le dernier, justement, on en parlait tout à l'heure, j'ai lu le dernier BPRD la semaine dernière, donc la série dérivée du monde d'Hellboy, qui clôture le gros arc de l'enfer sur Terre. Et petit pincement au cœur, parce qu'il avait déjà terminé sa série Hellboy il n'y a pas très très longtemps avec Hellboy en enfer. Là, BPRD se termine, même si l'univers continue en comics, parce que je crois qu'ils vont quand même continuer à sortir des. Avec le film qui va sortir, à mon avis, va. Oui, ouais, mais là, ça a l'air terminé quand même pour l'instant. Et pour le coup, mine de rien, ça fait un bon moment que je la suivais, cette série. Et j'ai qu'une envie, c'est de la relire enfin tout d'un coup, parce que je suis. C'est tout le valet, tout le coup. Et de ce que j'ai lu, oui. Okay. J'ai pas tout lu, j'ai lu quelques-uns à Sapiens. Non, il y a quand même quelques-uns un peu side, un peu sur le côté. Sur BPRD, BPRD et tu valides tout. Oui. Ouais. Okay. Carrément, même plus BPRD. Enfin, je préfère BPRD encore. Presque, oui. Ouais, il y a un côté team en plus, et puis le pitch est parfois peut-être un peu plus. Et puis, intense. T'as un des risques, au fait. Hellboy, il a moins de risques que des êtres humains qui se battent contre les mêmes créatures qu'Hellboy. Ouais. Donc, tu sais que tu vas avoir des personnages où tu vas t'attacher, et finalement, fallait pas. Hellboy, c'est le côté un peu super-héros. Le mec, il a la protection scénaristique, Hellboy, légèrement. C'est-à-dire que comme il a une grande destinée, machin, tu sais qu'il va pas trop lui arriver grand-chose. Alors que BPRD, c'est un peu le côté. Mince, j'avais une comparaison parfaite. Game of Thrones. Ok. C'est Game of Thrones. Tu sais pas ce qui va se passer. C'est une saga énorme, et tu sais pas trop qui va cramer ou pas. Enfin, c'est génial. Et le scénario est toujours béton. Le dessin, ils changent de dessinateur, mais ils ont un talent pour trouver des dessinateurs qui correspondent exactement à l'histoire qu'ils veulent raconter. Okay. Et mon cas préféré, c'est James Aren, qui vient toujours dessiner chaque fois qu'il y a une scène d'action badass. Il est là parce qu'il fait des trucs qui sont dignes des meilleurs dessinateurs d'animé, quoi. Ah, il est exceptionnel, je confirme. Ok, on en parlera un jour peut-être dans Comedy Discovery. Moi, je voulais juste vous parler de Little Evil, qui est sorti sur Netflix, un film avec Adam Scott et Evangeline Lilly. C'est une espèce de parodie de film. 66, genre... La malédiction. Ouais, voilà, et c'est très très drôle, c'est très très marrant. Si vous avez une heure et demie à perdre, franchement, allez regarder, vous allez rire. Déjà parce que Adam Scott, c'est le mec le plus sympathique du monde. T'as envie de lui faire des câlins quand tu le vois. Il Chris tellement... Pratt Ah, t'es dans la merde, hein. Merde, mais il joue dans la même série, donc. Ouais, quand t'as eu, c'est bon. Ouais, non, quand même, Chris Pratt. Mais Adam Scott, je disais rien, parce qu'il est vraiment très cool. Donc voilà, regardez Little Evil, c'est vraiment cool, c'est vraiment sympathique. En plus, il y a 2-3 petits twists qui sont rigolos, donc voilà. Et on va vous quitter sur ça. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à la même horaire, 18h, sur Radio Campus Montpellier. Vous sachez que vous pourrez retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et aussi sur le site internet www.comedydiscovery.fr. Et on se quitte avec la chanson de Gardien de la Galaxie 2. Il a pris Inferno. Ah, t'as pris Inferno. Ouais. Oh, il faut qu'on danse. Non. Tu dois t'habiller en robot et tu dois danser. Regardez, si vous n'avez pas vu le clip, je serai David Hasselhoff. Allez voir le clip, il est tellement génial. Non. Bon, mais tu vois, voilà. À la prochaine. Désolé. À la prochaine, bye. À la prochaine. gun loader. Got no people skills, but he's good with motors. That weird thing by his side, an infantilized sequoia. The two of them walk by, people say, oh boy. They ask me why I'm bringing a baby into battle. That's really irresponsible and getting them rattled. I said, give me a break. Get off of my back, dammit. I didn't learn parenting, my daddy was a planet. Start your hustle, proud. Start your hustle, proud. Of hardship, just remember.